justement pas capables d'une quelconque révolution, ne sont pas capables de porter véritablement cette civilisation qui a bercé l'humanité à tout point de vue, les mathématiques, la philosophie, et d'ailleurs plusieurs en passent ce partout. Est-ce que cette dynamique de vouloir effectivement tronquer l'histoire de l'Égypte antique viserait véritablement à méconnaître en l'Africain, le noir que nous sommes, que vous êtes, un certain potentiel? Je suis très admiratif sur ce genre de débat. Je ne connais pas beaucoup. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'études d'histoire. Nous qui avons fait les séries scientifiques au Cameroun, et c'est un problème. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut revoir les programmes. On a arrêté l'histoire en troisième. Ça veut dire que ceux qui ont fait seconde C, première C, terminale C, classe préparatoire, école d'ingénierie, mathématiques, puis physique fondamentale, c'est... J'ai arrêté l'histoire, j'avais 14 ans. Pour Saint-Bélec nous dit d'ailleurs à Nof qu'il est obligé d'aller faire ses formations après. Au Cameroun. Du moins parallèle. J'ai arrêté l'histoire. J'avais 14 ans quand je suis en troisième, quand je fais ma troisième. J'ai 14 ans. Et cette histoire qu'on nous enseignait, même quand j'avais 14 ans, c'était que Robin Oumiobé était un terroriste, il était méchant. Vous vous imaginez? Question, le professeur Mbélék, moi, c'est un problème. Moi, je préfère que le professeur Mbélék parle. Mais professeur, vous avez dit quelque chose même d'important. Ça m'a touché au profond de moi. Qu'une véritable compréhension et un bon enseignement de l'histoire égyptienne, de l'histoire africaine, peut permettre de remettre même en cause la suprématie et même changer aujourd'hui ce qu'on peut appeler le suprémacisme blanc. Parce que le professeur Mbélék dit des choses. La première fois, c'est dans... Moi, j'ai découvert le professeur Mbélék lors de nos conventions et lors des discussions que j'ai eues avec lui. Il m'envoie énormément énormément d'articles à lire. Il nous démontre clairement que le zéro, s'il n'y a pas zéro, il n'y a pas d'arithmétique. Il n'y a pratiquement pas de mathématiques. Il n'y a même pas de géométrie. C'est-à-dire que, entre guillemets, il n'y a pas de science. Donc, l'enjeu de savoir que des gens, que quelqu'un d'imminemment intelligent ait pu inventer le zéro et développer tout autour. C'est-à-dire que des algorithmes, c'est-à-dire que du calcul mathématique en tenant compte de ce chiffre qui est imminemment compliqué à manier en mathématiques, même en physique et tout. Mais vous vous imaginez en termes d'intérêt, ce que ça peut redonner comme fierté? Professeur, pourquoi les Égyptiens... Rapidement, vous faites savoir que nous avons tout au plus 5 minutes parce qu'il y a une deuxième production qui vient juste derrière nous. L'Égypte, les Égyptiens, l'État égyptien, pourquoi l'État égyptien ne défend pas l'histoire de l'Égypte antique? Parce que les Égyptiens... Comment? Je peux? Si on peut le faire à deux minutes, je vous en prie. Parce que les Égyptiens qui sont en Égypte aujourd'hui sont des étrangers chez eux. D'accord. Voilà la réponse. Vraiment, Bertrand, vous chutez, je vous en prie. Non, moi j'ai même déjà chuté. D'accord. Il répond pratiquement pour dire effectivement que ça revient en quelque sorte à dire que... il faut enseigner l'histoire. Tout à fait. Il faut enseigner l'histoire. Parce que il n'y a même pas de combat quand il n'y a pas une maîtrise de l'histoire. C'est-à-dire que comment tu mènes un combat panafricaniste si tu ne comprends pas l'histoire? C'est à la limite, en fait, un coureur de 100 mètres qui est extrêmement brillant, il a les muscles, il fait du 9 secondes, mais il a les yeux bandés. Mais il sort de piste. Tout à fait. À la limite, il sort de piste et puis on le voit pratiquement courir en sens inverse. Et on se dit que c'est le meilleur, mais il court en sens inverse. Donc, c'est fondamental. Ça peut même pour moi être un enjeu politique, c'est-à-dire imminemment politique. Un enjeu imminemment politique. Et les autres l'ont maîtrisé, savoir que nous allons vous imposer l'histoire que nous voulons et vous allez rester, comment je vais dire, que des éternels, entre guillemets, esclaves de nos enseignements. Et à partir de là, comment vous faites vous pour vous projeter et même pour fédérer une véritable conscience africaine et une véritable solidarité des peuples noirs qui, de mon point de vue, tôt ou tard vont se retrouver. Merci et vont à vous, Petra. Il nous reste tout au plus 3 minutes pour refermer ce programme. La parole est à vous, président Vandakan. Donc, nous avons des contraintes de production. Nous avons des contraintes de production, président. Bon, l'enjeu est très simple. Vous avez posé la question de quel est l'enjeu de cette affaire, quel est l'enjeu qu'il y a autour de l'Égypte antique. Bien, c'est évident. S'il n'y a pas le retour à l'Égypte antique comme perspective historique, il n'y a pas possibilité de renverser l'hégémonie occidentale qui est bâtie sur le mensonge. Non seulement sur l'Afrique, mais dans le monde, sur le monde entier. L'enjeu n'est pas seulement africain. Dès que vous avez déconstruit le mensonge occidental, à partir de la perspective de l'Égypte antique, c'est tout le monde entier qui est libéré. C'est ça, c'est l'enjeu. Bon, tout le monde entier est libéré. Qui perd? Mais l'enjeu est grand, trop gros. L'enjeu est trop gros. C'est là qu'il s'agit. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Moi, je ne vais pas revenir sur Cléopâtre. Pour ça, Bélé a tranché ça et mon ami d'Asie a tranché. Elle ne peut pas être blanche. Comme il ne peut pas effrayer les gens. Les pseudo-scientifiques occidentaux là qui font des thèses là. Vous avez sur Internet les petits égyptologues blancs, français, allemands, tout ça, qui balancent des thèses, machin et consort. Ça fait rire, professeur Bélé. Cléopâtre ne peut pas être blanche. Si vous la métissez, elle est noire. Vous la métissez, elle est noire. Moi, je n'ai rien à prouver aux scientifiques occidentaux. Parce qu'ils ne font pas la science. Lorsque la science est prise en otage, par des intérêts... Quand la science ne veut pas s'émanciper de l'argent, quand la science n'est pas en mesure de s'élever face aux forces de l'argent, ce n'est plus la science. Même si ceux qui opèrent sont des vrais scientifiques, c'est plus la science. Le Covid nous a enseigné qu'il n'y a pas de débat à faire avec les occidentaux en matière de science. C'est fini ça. Donc il n'y a pas à s'asseoir, dit qu'on fait le débat pour répondre aux occidentaux en matière de science. On les démontre quoi? Imaginez-vous qu'on voulait convaincre un nazi. Moi, je pose, il y a des gens qui ont dit que, bon, ok, mais professeur Thierry, moi je vais mettre terre à terre. Hein. On dit qu'ok, apportez la preuve, c'est Pougala. Vraiment les gens comme ça. Et les Africains suivent les gens comme ça pour Gala. Monsieur Pougala a été venu, il a demandé un débat avec Bandakani sur le vaccin. Vous vous souvenez, non? Par respect pour notre combat, j'ai dit non. Il est où aujourd'hui avec son vaccin? Il défendait le vaccin. Monsieur Pougala défendait le vaccin. Allons-y à l'essentiel. Non, je vais m'appeler ça. Parce qu'on vous dit non, ok. Ok, démontrez donc à cela que vraiment, scientifiquement, Cléopâtre était une noire. J'ai dit, ok, allez démontrer à un nazi qui est dans son délit nazi, apportez-lui la science. Il vous écoute. Il vous écoute. Les nazis sont allés m'annexer la Grèce antique pour dire que la Grèce antique était déjà nazie. Pour démontrer qu'à l'origine de l'histoire occidentale, il y a le nazisme. Et que le nazisme est même la culture même propre de l'Occident. Les scientifiques ont validé ça. Donc le débat n'est pas à ce niveau. Il y a les enjeux immédiats là qui veulent soulever mon frère. Je vais aller rapidement. Rapidement, président, je vous en prie. Imaginez qu'alors que les Européens sortaient de leur Moyen-Âge, de ténèbres là, et qu'ils redécouvraient leurs humanités à l'époque, ce qui va déclencher toutes les révolutions qu'on a vues jusqu'à nous là. Imaginez qu'ils en face d'une puissance impérialiste qui leur interdit de le faire. Où serait l'Europe aujourd'hui? Où serait aujourd'hui, professeur Bélec? C'est ce que nous on est en train d'affronter. Et vous croyez que les scientifiques qui sont sous l'emprise de l'impérialisme vont défier leur système impérialisme qui les nourrit et les encadre, les donne les moyens de faire leurs recherches au profit du peuple opprimé? Non, président. Mais je vous le dis. C'est mon avis qui peut poser la question. Bon. Aujourd'hui, là, nous discutons de ça. Pendant que l'Europe sort du Moyen-Âge, il faut bien m'écouter. Quand l'Europe sort du Moyen-Âge et commence à redécouvrir ses humanités, entre guillemets, parce que le classique de l'humanité classique, c'est le plagiat égyptien, on va pas revenir là-dessus. Mais il commence à redécouvrir ça. Quand l'Europe sort de cette ténèbre-là pour commencer à redécouvrir leur humanité, imaginez-vous quelle affaire à une puissance impérialiste qui est en train de classer l'Europe. Il n'y aurait pas eu toutes les révolutions qui a eu. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il n'y aurait pas eu. Oui. Mais nous, c'est ce que nous on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de vouloir restaurer la vérité historique, mais on est en face de nous qui, l'impérialisme occidental global, qui fait tout et tout pour empêcher ça, parce que le jour c'est réglé, et c'est fini pour eux. C'est terminé. Il dit que c'est la fin de l'impérialisme mondial coïncide avec la restauration de la vérité historique nègre. C'est un fait, c'est établi. C'est comme ça. Deuxième question, deuxième élément. Mais vous oubliez l'enjeu géopolitique majeur dans cette affaire. Vous ne savez pas que l'une des profondeurs européennes en matière géopolitique, c'est la Méditerranée. Et quand on dit Méditerranée, c'est quoi? C'est toute l'Afrique qui va jusqu'à la frontière d'Afrique subsaharienne. Ça veut dire que la Tunisie, la Libye, tous ces pays-là sont blancs. Paradigme occidental, c'est ça. Ben, je suis en vous dire quelque chose. Ça veut dire que dans leur tête, c'est comme ça. C'est ça l'idée de la Méditerranée. On peut cacher tout et n'importe quoi. Et ça, l'idée qui est derrière. Donc, si elle n'est pas blanche, elle est métissée. Allô? Et diverse. Elle est métissée et diverse. Or, quand on dit Méditerranée, on parle d'abord de l'Égypte antique aussi. Les mélanges qu'il y a eu dans tous les dans la Méditerranée, entre les peuples là, le bassin de la Méditerranée, là, l'Égypte et tout, c'est ça qu'on s'est dit. On a dit non, elle est métissée et c'est la thèse de tous les universitaires occidentaux à l'heure actuelle. Dans les contraintes de production. Je suis en train de demander, je finis. Vraiment, vous en prie, c'est important. Je suis en train de clôturer. Je suis en train de vous faire comprendre la réaction du gouvernement égyptien et celle des Tunisiens. Le roi de Maroc pense par lui, le même pire. Même s'il dit, il est même pire. Tous ces gens pensent ça. Parce que dans le deal géopolitique, monsieur, c'est que vaut mieux dealer avec l'avenir de tous ces pays arabes, là, entre autres. C'est de dealer avec les occidentaux. Contre l'homme noir. Contre l'Afrique noire, monsieur. C'est un deal. Et il y a un enjeu en profondeur dedans. Les arabes, entre guillemets, là, qui braillent, là, qui font le mépris sur les noirs, ne veulent pas qu'on soulève la question de la secte arabo-musulmane. Vous traitez ça, leur existence est en péril là-bas. Voilà pourquoi tous, chers amis, embrassent la thèse d'une Égypte métissée et diverse à un moment donné, qui n'a pas de substrat noir. Si c'est le substrat nègre, on efface ça, on efface cette mémoire-là. C'est un deal géopolitique. Et beaucoup d'intérêts sont en jeu. Ce deal-là. Afrique Média, le monde, c'est nous.